des charmes, je veux refroidir avant brunir. Avant brunir. Avant. Il crachine sur les hortensias, sur les lilas, les acacias. Que tu désarmes, que tu te décharmes, je veux refroidir avant brunir. Avant brunir. Souffrant comme de la menthe. des chats.